Lundi emploi avec Mathieu Giroux. Comment créer votre entreprise? Voici le moyen pour créer et reprendre une entreprise avec ou sans argent. Il faut savoir que les entreprises les plus importantes sont les industries et l'agriculture, qui est une industrie. Ce sont ces entreprises qui font vivre les autres. Seulement, les intermédiaires font pression sur ces entreprises parce que les services ont été inclus dans le PIB dans les années 80. Si vous créez une entreprise, il faut donc qu'elle aide les industries. Si vous disposez de 500 000 euros, vous avez l'argent pour devenir industriel ou agriculteur. Il s'agira d'être créatif et pragmatique. Vous n'allez pas forcément apporter le bonheur, mais redresser une activité moribonde. Seulement, l'enjeu est crucial, critique, du mot crise, qui signifie qu'il s'agit de se remettre en cause. Si vous disposez de 200 000 euros, vous pouvez créer un commerce ambulant ou fixe, qui raccourcit et favorise le lien avec l'agriculture ou l'industrie. Le commerce ambulant nécessite d'avoir des places sur les marchés, il demande de l'attente. Si vous disposez de moins, vous pouvez trouver des niches en fonction de votre expérience. Si vous n'avez pas d'expérience, il s'agira de vous vendre vous. Vous serez à la fois employeur et chercheur de travail, avant tout commercial ou gérant. Il existe des coopératives d'emploi, elles vous apprennent à gérer tout en apportant un petit réseau. Seulement, il s'agit de montrer qu'on est là, de donner vous recevoir ensuite. Il s'agira de trouver ce qui vous fait unique, de vous transformer par la créativité pour devenir un commercial de votre activité, pouvant s'adapter avant les autres. N'utilisez surtout pas la théorie des jeux, cette théorie qui consiste à agir en fonction des autres, sinon vous serez moins rapide qu'un ordinateur. Il s'agit d'anticiper sur le court, moyen, puis long terme, en utilisant votre talent. Je vous conseille pour cela mon site web devenircreatif.com, avec mon livre libre « Favoriser la créativité » pour améliorer votre talent, pour créer et continuer votre entreprise. C'était Lundi Emploi avec Mathieu Giroux.